Johnny s'est saisi. Oh Susanna, yanke la gai Suzy, dime la gai Suzy, dole lisa bambuna, kai na lingiye, kai na luliye, kai na leliye, baini baina, balobi baloba. Passe maman.